À propos des 63 ans depuis la signature de l'accord d'armistice en Corée, la télévision satellitaire Finistan Hong Kong de Chine a présenté le 28 juillet l'entretien avec son commentateur. En affirmant que la péninsule coréenne où vit une nation homogène est toujours poudrière d'ordre mondial et point le plus chaud, même au nouveau siècle, le commentateur de la télévision a fait remarquer que la nation coréenne, séparée depuis longtemps par les impérialistes américains, désire ardemment la réunification.